Lorsque les vacances se terminent, qu'il faut rentrer à la maison, chacun ramène pour la famille deux, trois petites choses, si c'est mignon. Tout le monde a cassé sa tirelire, c'est le festival du délire. Émilie a trouvé dans un grand supermarché une boule qui fait tomber de la neige sur Saint-Tropez. Grand-mère n'en reviendra pas, ça tombe bien, n'en avait pas dans la valise des parents. Y a plus de place pour leurs vêtements, puisqu'on y a mis une boule qui fait de la neige. Jonathan est très fier, il a vu chez l'antiquaire un porte-clés baromètre un peu cassé mais très chouette. Papy Jean n'en reviendra pas, ça tombe bien, n'en avait pas dans la valise des parents. Y a plus de place pour leurs vêtements, puisqu'on y a mis une boule qui fait de la neige, un porte-clés baromètre. Mélissa, pour finir, dans la boutique de souvenirs, a choisi pour ses emplettes un gros chien qui hoche la tête. Tonton Paul n'en reviendra pas, ça tombe bien, n'en avait pas dans la valise des parents. Y a plus de place pour leurs vêtements, puisqu'on y a mis une boule qui fait de la neige, un porte-clés baromètre, un gros chien qui hoche la tête. Adrien a acheté sur la place du marché un petit nain en caoutchouc qui rigole et qui est tout mou. Tata Bête n'en reviendra pas, ça tombe bien, n'en avait pas dans la valise des parents. Y a plus de place pour leurs vêtements, puisqu'on y a mis une boule qui fait de la neige, un porte-clés baromètre, un gros chien qui hoche la tête, un petit nain en caoutchouc. Jessica a choisi en face de la pharmacie un bateau, quelle merveille, qui cligne dans une bouteille. Son grand frère n'en reviendra pas, ça tombe bien, n'en avait pas dans la valise des parents. Y a plus de place pour leurs vêtements, puisqu'on y a mis une boule qui fait de la neige, un porte-clés baromètre, un gros chien qui hoche la tête, un petit nain en caoutchouc, un bateau dans une bouteille. Clément a tout trouvé dans la boutique d'à côté, notamment une tour Eiffel en plastique jaune et très belle. Son parrain n'en reviendra pas, ça tombe bien, n'en avait pas dans la valise des parents. Y a plus de place pour leurs vêtements, puisqu'on y a mis une boule qui fait de la neige, un porte-clés baromètre, un gros chien qui hoche la tête, un petit nain en caoutchouc, un bateau dans une bouteille, une tour Eiffel en plastique.